kokosa yo po oyebisa manso to sala Amon ami kolinga te babo mangana miso na yo Yo mon ami batelanga e pari ya banguna e Sois prudente, le moraliste viendront te dire n'importe quoi Tu diras oui au lieu de non pour ne rien dire à la place de oui Ah mon ami, batte langai, oh oh maman Yo mon ami, les chiens aboient, la caravane passe Bango bako ya kokosa yo